الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد توقفنا البارحة عند قول الشارح في شرحه ألا وهو الشيخ الفوزان في شرحه لهذه المقدمة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله توقفنا عند كلامه لما قسم الطاعات إلى قسمين وقال الطاعات تنقسم إلى قسمين وذكر هذه الأقسام الواجبات والمستحبات فلما ذكر أن الطاعات تنقسم إلى قسمين ذكر الواجبات والمستحبات بعد ذلك ذكر السنة وبين معنى السنة كما أخذنا هذا في الدرس السابق. Les frères, on va continuer, inshallah. Donc hier, on s'est arrêté sur les dernières paroles qu'on avait étudiées du commentaire de Cheikh Al-Fawzan, en commentaire de cette muqaddima. Et il avait expliqué, on avait lu lorsque Cheikh a expliqué, dans l'explication de la présentation, lorsqu'il expliqua le terme d'obéissance, et il dit que At-ta'at tanqasim ila qismayn, que l'obéissance se divise en deux catégories. Il nous avait dit que il y a les actes d'obéissance qui sont des obligations, premièrement, et des actes qui sont des actes surrogatoires, des recommandations. Et après nous avoir mentionné Aqsam At-Ta'at, il a mentionné l'explication et la définition du terme As-Sunnah. Et il nous avait défini ce terme en disant que lorsqu'il est employé d'une manière absolue, cela sous-entend tout ce qui a été confirmé du prophète alayhi salatu wassalam comme croyance ou bien adoration. Il nous avait aussi mentionné, appris le sens du terme As-Sunnah lorsqu'il est employé par les spécialistes du hadith, les savants, les grands traditionnalistes les grands spécialistes du hadith, lorsqu'ils emploient le terme As-Sunnah, c'est tout ce qui est mentionné du prophète alayhi salat wa salam, tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit comme parole, ou bien acte, action, approbation, ou bien description. Donc ils ont mentionné ces quatre choses. Ça, on avait dit, c'était selon la terminologie et la définition ou l'emploi des spécialistes dans la science et le savoir du hadith. Et aussi, il dit ensuite, il nous explique d'une manière plus générale, lorsque le terme est employé d'une manière plus générale, et on emploie le terme « as-sunan », alors le sens varie. Et lorsqu'on dit les sunnah, d'une manière générale, le sens varie dans le sens que elle peut être soit obligatoire, soit ça peut être une sunnah fortement recommandée, ou fortement, par exemple, il dit confirmée. Et on s'est arrêté hier en mentionnant des exemples à cela. Comme lorsque Cheikh a mentionné, par exemple, parmi les sunnan fortement confirmés, par exemple, il avait mentionné Salat al-Witr, par exemple. Et il avait mentionné des exemples de sunnan, par exemple, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont liés à un temps. Et de ce fait, il dit que le terme sunnan, qui est le pluriel de sunnah, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui n'est pas obligatoire, comme c'est la compréhension de beaucoup de gens de la masse, mais ça varie. Parfois, ça peut être une action qui est obligatoire, parfois, c'est une action qui est recommandée, hein, c'est une grande recommandation, parfois, c'est même une sunna qui est confirmée, fortement confirmée. Il faut faire la distinction entre al-mustahab wa al-mu'akkadat, al-mu'akkad. Taïb. Et ensuite, on s'était donc arrêté sur ces points-là, jusqu'à ce qu'on a, on a clôturé le cours, on a conclu, avec la mention lorsqu'il va parler de Al-Murad bi Usul al-Fiqh, puisque dans sa présentation, l'auteur du livre va parler, très brièvement, il va faire une allusion à Usul al-Fiqh. Donc pour ça, Cheikh Fawzan explique le sens voulu lorsque l'auteur dit Usul al-Fiqh, le sens voulu par cela, c'est que Usul al-Fiqh, Cheikh nous dit Al-Murad bi Usul al-Fiqh قواعد الاستنباط من الأدلة وبيان الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. Il dit que Usul al-Fiqh, on avait déjà un peu discuté dans d'autres assises de l'importance d'apprendre ce qu'on appelle et nomme Usul al-Fiqh, hein, les principes, si on pourrait traduire de manière très relative, les principes de la jurisprudence. Cette science-là, si vous voulez, cette matière-là, nous aide à faire ce qu'on appelle al-istinbat. Ce sont des règles, comme il dit, qawa'id al-istinbat min al-adillati. Ce sont des règles pour nous aider, ici, à mettre en lumière des lois religieuses ou des jugements religieux, en quelque sorte. C'est des règles qui nous permettent de pouvoir faire al-istinbat. Al-istinbat, qui est le fait de mettre en lumière certaines lois religieuses, des jugements religieux qui sont tirés et extraits des textes du Coran et de la Sunna. Du Coran et de la Sunna. Et de ce fait, wa bayan il ahkam. Et donc, de mettre en lumière et de clarifier ici al-ahkam. Al-ahkam qui est le pluriel de al-hukum. Al-hukum qui est le statut, par exemple, d'une œuvre, d'une adoration ou d'une action, son statut religieux. Que par exemple cette action soit obligatoire, recommandée, halal, mais haram, makruh, déconseillé, ou bien permise. Vous voyez les cinq ahkam, interdit, obligatoire, fortement recommandé, déconseillé et permis. La permission. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est les cinq statuts ici, si vous voulez, religieux. Donc on a soit l'interdiction, l'obligation, la recommandation, le fait que ça soit déconseillé ou bien permis. Et c'est pour cela qu'il dit que قواعد الاستنباط من الأدلة وبيان الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح. وأما قواعد الاستنباط من الأدلة وأما قواعد الاستنباط من الأدلة. Et en ce qui concerne les règles de l'istinbat, des preuves de l'adilla qui émane du Coran ou bien de la Sunna, c'est par exemple fal amr lil wujub ou lil istihbab ou lil ibaha wa an-nahy yakun lit tahrim wa lil karaha. Par exemple, les savants, par exemple du usul, des principes, des fondamentaux de la jurisprudence, lorsqu'ils traitent une question et lorsqu'ils observent donc les preuves lié à cette question, alors lorsque les preuves sont devant eux, alors les savants de ces principes, hein, de la jurisprudence, ils observent la preuve en regardant est-ce que c'est un, par exemple, un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a une portée générale, est-ce que c'est une portée absolue, ou bien une portée spécifique, ou autre. De ce fait, ils peuvent déduire. Ils peuvent déduire ici des jugements importants. Et de là, ils vont observer, par exemple, un texte lorsqu'il observe, est-ce qu'il a une portée générale ou bien une portée spécifique, ou bien est-ce que ce texte est un texte qui interdit une chose, il y a un déroulement de négation, par exemple, c'est-à-dire il y a un déroulement qui sous-entend une interdiction, où le prophète, par exemple, dit « ne faites pas telle et telle chose » ou « ne dites pas telle et telle chose ». Vous avez vu le contexte là, du récit, le récit dans ce récit, à travers l'observation du récit, on voit qu'il y a une interdiction. « Ne dites pas telle et telle chose, ne faites pas telle et telle chose ». Eh bien, ou bien le prophète, en somme, l'inverse, peut ordonner, c'est ce qu'on appelle « al-amr ». Donc il peut y avoir un « nahi », lorsqu'on observe le texte, il peut y avoir un « nahi » ou bien, par exemple, « al-amr ». Mais les savants du usul vont observer, est-ce que cette interdiction sous-entend une interdiction stricte, ou bien parfois ça peut sous-entendre quelque chose de déconseillé. De même pour l'ordre. L'ordre parfois sous-entend une obligation. Lorsqu'il y a un ordre où le prophète, s'aime, le contexte du texte par exemple, le déroulement c'est que le prophète par exemple dit « faites telle et telle chose ». Les savants observent et disent « c'est un impératif, c'est un amr, c'est un impératif ». Donc l'impératif, qu'est-ce qu'il sous-entend ? L'impératif peut sous-entendre deux choses. Soit quelque chose d'obligatoire, par exemple, ou soit quelque chose de fortement recommandé. Donc là, les savants vont observer. Et les savants disent, par exemple, des principes de la jurisprudence, tant qu'il n'y a pas de preuve, de qara'in, d'indice, sous-entendant que l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ici, implique ou induit quelque chose de fortement recommandé, alors l'ordre reste sous son apparence, c'est-à-dire que la règle, c'est quoi ? C'est que « al-amr yufid al-wujub ». L'impératif, ici, sert à, on va dire, mettre en valeur une obligation, si vous voulez. L'impératif sous-entend l'obligation. Donc à la base, lorsqu'il y a un impératif, « al-amr », dans un texte, le prophète ordonne une chose, à la base, c'est que cette chose-là, ordonnée, est une obligation. Tant qu'il n'y a pas de qara'in ou de preuve indiquant que non, cet impératif sous-entend ou induit quelque chose de fortement recommandé. Vous avez vu, ça demande de l'observation. Ça demande un effort de déduction. Vous avez vu, c'est pour ça que les savants observent les textes. Observe bien les textes. Ensuite, Cheikh nous dit, toujours dans l'explication de la présentation de Ibn Abi Zayd, vous savez, il y a des savants, lorsqu'ils ont commencé l'explication de la Risala d'Ibn Abi Zayd, ils n'ont pas directement expliqué la présentation. Et comme j'ai dit hier, la présentation, c'est moi qui l'appelle de cette manière. Tout de suite, ils ont commencé, on va voir si on a le temps aujourd'hui de pouvoir commencer, par le premier chapitre de la Risala, qui est le Muqaddima. La Muqaddima, ils ont tout de suite commencé l'explication de l'introduction. Nous, on a d'abord suivi la méthodologie de Cheikh Al-Fawzan. Il a quand même expliqué des points importants qu'il y a dans la présentation de l'auteur par rapport à la demande et la requête de son Cheikh, qui lui a demandé de rédiger, comme on a dit hier, Hadihi Risala. Donc, il dit ensuite... L'auteur donc dit à son shir, donc les enseignements seront selon l'école juridique de l'imam Malik. Et donc, comme on avait dit dans les cours précédents, l'école juridique de l'imam Malik, ou les enseignements de l'imam Malik, le madhab hada intashar fil Maghreb wal Andalus wal Afriqiya wa huwa madhab ahli al Madina. Donc ce madhab, c'est comme on avait dit dans les cours précédents, c'est beaucoup propagé au Maghreb, en Andalousie, en Andalous, en Afrique, et c'était le madhab des gens de Médine. Lui, ce qu'il faut comprendre, Cheikh va nous dire que l'auteur Ibn Abi Zayd, lui, va mentionner les enseignements selon l'école malikite. Pourquoi ? Puisque lui, c'est un savant du Maghreb. Lui, ce n'est pas par fanatisme. faut bien comprendre, Cheikh Al-Fawzan insiste bien sur cela. Il dit هذا ليس تحيزا للإمام مالك رحمه الله دون غيره من الأئمة ولكن الآن وفن ولكن لأن أهل المغرب والمؤلف منهم هم على مذهب مالك وناسب أن يبين لهم مذهب مالك في العقيدة وغيرها على مذهب الإمام مالك. Lui il dit que l'auteur lui mentionne les enseignements de l'imam Malik, pourquoi ? Pas par fanatisme ou attachement, ou pour, par exemple, dénigrer une autre école parmi les autres écoles, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Abi Hanifa, ou de l'imam Shafi'i, ou de Ahmad ibn Hanbal. Pas pour dénigrer les autres écoles, ou dévaloriser les autres écoles, sauf que les gens du Maghreb à qui s'adresse cette risala sont d'obédience malikite. Donc de ce fait, et lui du fait c'est un savant du Maghreb, donc il leur rédige ses enseignements pour qu'ils soient enseignés aux jeunes et que cet enseignement soit simplifié et aisé à mémoriser, par exemple, simple à mémoriser, simple à apprendre, simple à comprendre et qu'il y ait une grande faïda, qu'il y ait une grande faïda. Et comme on avait pris dans les cours précédents, Cheikh Al-Fawzan, qui lui fait partie des grands savants contemporains, lui qui a depuis son tendre jeune âge commencé l'étude de la science religieuse, lui connaît la manière, connaît la bonne méthodologie pour acquérir, obtenir ce savoir, pour l'obtention du savoir bénéfique, la bonne méthodologie. C'est pour ça qu'il dit que lorsqu'on débute, par exemple, on avait évoqué hier qu'on commence par des livres résumés, désabrégés, des livres où qu'il y a des enseignements de base, où il y a l'enseignement des fondamentaux, des principes, avant d'évoluer vers des livres plus moyens et ensuite vers les livres plus volumineux. Ça, c'est la bonne méthodologie. De même, il a dit, et c'est ce qui doit être enseigné au départ aux jeunes, aux enfants, de leur enseigner cela, sans rentrer dès le départ dans les questions de divergence. Et c'est pour ça que l'auteur, lui, a rédigé cette risala. Et Cheikh nous dit, donc selon l'école malikite, pourquoi ? Parce que ça convient au contexte du fait que c'est un savant du Maghreb et qu'elle s'adressait à des étudiants de cette province ou de cette contrée. Sinon, que ce soit les enseignements des grands imams de l'école, par exemple, l'Hanabila, par exemple, les gens d'obédience Hanbalite, ou bien Shafi'it, ou Abu Hanifa, les grands imams étaient à la aqidati ahl sunnati wal jama'a. Alors il dit ensuite, on termine quelques points ici, de cette présentation, avant de commencer, Inch'Allah, avant de commencer le début de la muqaddima, de l'introduction. Jusqu'à un moment donné, ou dans la présentation, alors l'auteur a mentionné parmi ce qui est motivant et exhortant, ce qui incite à enseigner aux enfants, il a mentionné la méthodologie, il a mentionné l'importance, jusqu'à ce qu'il dit, « فَإِنَّهُ رُوِيَا أَنَّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ لِكِتَابِ اللَّهِ يُطْفِئُ غَضَبِ اللَّهِ وَأَنَّ تَعْلِيمَ الشَّيْءِ فِي الصِّغَارِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. طيب. Ensuite, il dit donc, il est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, dans la présentation, à un moment donné, il dit, il est rapporté du prophète, alayhi salatu wa sallam, que l'enseignement des petits, l'enseignement du livre d'Allah, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est petit, éteint la colère d'Allah. Certains qui ont vérifié le hadith disent qu'ils ne l'ont pas trouvé dans les livres de Sunan al-Mu'tabara. Considérez que certains qui ont fait tahqiq n'ont pas trouvé had al-hadith. Taïb. Pour cela, il dit, peut-être que ils n'étaient pas forcément considérés d'authentique chez l'auteur. Et l'auteur, on voit que lorsqu'il le cite, il dit فَإِنَّهُ رُوِيَ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ. Regardez ce qu'il dit. Il a certes été rapporté. Il n'affirme pas d'une manière claire et directe qu'il a été confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit. Lui, l'auteur dit, il a certes été rapporté que l'enseignement des petits du livre d'Allah éteint la colère d'Allah. Il rapporte cela et il le dit de cette manière. Il n'a rien affirmé que cela est confirmé véritablement du prophète alayhi salat wa salam, mais il l'a employé en disant il a certes été rapporté. طيب و كذلك يقول للشيخ وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون ان شاء الله بحفظه. Et ensuite il dit à son cheikh que donc il a rédigé cette muqaddima pour justement ses étudiants et ceux dont ils pourront profiter, hein, ils auront un grand profit dans la mémorisation et l'apprentissage de ce qu'il y a. Et Cheikh nous dit par rapport à ça, il dit comme s'il disait ذكرت في هذه الرسالة وفي مقدمتها ما إذا حفظه الطلاب وفهموه فإنهم ينتفعون به وينالون به شرف العلم والعمل والسعادة والسعادة وإذا اعتقدوه وعملوا بموجبه. Il dit donc j'ai évoqué dans cette risala, et Cheikh nous explique, c'est comme si qu'il dit que j'ai évoqué dans cette risala ce dont si ses étudiants l'apprennent et le mettent en pratique, ce qui va yanalou nabi sharaf al-ilm, ils vont obtenir par cela sharaf al-ilm, l'honneur, ils seront honorifiés par cette science et l'application de cette science et le bonheur. Et le bonheur, s'il, regardez ce qu'il dit, il est attaqadouhu wa amilu bimujibi. Si ils en ont la conviction et qu'ils mettent en application ces implications. Vous avez vu ce qu'il dit? S'ils en ont la conviction et s'ils mettent en application les implications de ce savoir. Yani, ce qu'implique ce ilm et ce savoir. Et Cheikh Fawzan, donc ça c'est les mots de Cheikh Fawzan, il explique les termes de l'auteur. بخلاف كتب العقائد الفارغة من بيان اعتقاد السلف كعقائد المتكلمين المتكلفين. Regardez ce que nous dit Cheikh Fawzan ensuite. Il dit contrairement à ceux qui vont apprendre des livres dénués de toute croyance. Kutub, dénué de toute croyance de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire des livres dénués de tout enseignement de la croyance de nos pieux prédécesseurs. Il dit comme c'est le cas par exemple des livres où il y a l'enseignement des croyances, des spécialistes de la théologie spéculative par exemple, Ilm al-Kalam, on avait dit on peut traduire de la sorte, de la théologie spéculative, si c'est un peu compliqué le terme, c'est une sorte de philosophie, Ilm al-Kalam, c'est ce qui est traduit par la théologie spéculative, Al-Kalam. Et il dit, justement, ces livres-là où la croyance des gens de la Sunna et de nos pieux prédécesseurs est mentionnée, vous allez tirer un grand bénéfice. Un grand bénéfice, tandis que les livres où qu'il y a l'enseignement de cette science-là, Ilm al-Kalam, la science de la dialectique et autres, cette philosophie-là, qui est contraire à ce qui nous est enseigné dans le Coran et dans la Sunna, eh ben, il n'y aura pas de bénéfice et point de profit. C'est pour cela que certains savants, et par exemple Cheikh Abdel Massal Abed, dans sa Muqaddima aussi, il va mentionner aussi certaines paroles de justement de spécialistes de la science de la dialectique, hein, de Ilm al-Kalam, de cette philosophie-là. Et on voit, et c'est enseigné par beaucoup de savants, lorsqu'ils nous ont rapporté certains dires, hein, certains écrits de certains imams qui se sont spécialisés dans cette philosophie-là et dans cette science-là qu'on appelle ilm al-kalam, à la fin de leur vie, beaucoup sont revenus sur cela, se sont repentis et ont déclaré d'une manière claire, ont déclaré qu'ils ont perdu du temps dans cela et que leur, on va dire, leur temps qu'ils ont donné pour s'approfondir à la compréhension du kalam, eh ben, c'est un temps dont ils ont perdu. C'est un temps perdu de leur vie, et certains même d'entre eux sont morts, comme il est rapporté de, par exemple, l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali, à la fin de sa vie, est revenu. Il dit lui-même, il va blâmer, à la fin de sa vie, il va blâmer cette science-là, ce savoir-là, qui est ilm al-Kalam. Lui-même, il va blâmer cela, et il va l'évoquer, et il va dire que ce blâme vient de lui, et ce n'est pas de n'importe qui. Pourquoi ? Parce que lui, c'est une personne qui s'est ancrée dans cela. Lui-même le dit qu'il est parti dans les profondeurs des océans. Et vraiment, il a passé du temps dans ilm al-Kalam et dans cette philosophie-là, et à la fin, il va regretter. Il est même rapporté que à la fin, il va mourir avec l'authentique de l'imam al-Bukhari sur sa poitrine. Il mourra de la mania. Et ils vont revenir à la source, al-Kitab ou al-Sunna. Donc certains d'entre eux ont déclaré cela avant leur mort. C'est pour cela que beaucoup qui se sont spécialisés dans ilm al-Kalam, et ben à la fin, ont regretté et ont trouvé le regret d'avoir été détourné justement de l'enseignement du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le voulu d'Allah et de son messager. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que des gens qui ont passé des décennies dans cette science-là, et comme il est dit, qui ont parcouru des océans et qui sont allés très loin. Et en plus de cela, il y a des gens, par exemple, comme eux, qui ont regretté, qui sont revenus, mais il y a des gens qui n'en sont jamais revenus. Il y a des gens qui ne sont jamais revenus de cela. Et bien, le fait d'avoir le témoignage de gens qui ont sombré dans cela, et à la fin, ils reviennent et ils disent « faites attention, car ça détourne justement du vrai apprentissage du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et à la fin, il meurt en regrettant. C'est pour cela que même l'imam Ibn Hajar, lorsqu'il va parler de la biographie Fi Lisan al-Mizan, la biographie d'un grand spécialiste justement de ilm al-Kalam, qui était Fakhr ad-Din Razi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que lui-même, Fakhr ad-Din Razi, il disait lui-même que Al-Fa'iz wa man mata ala aqidati al-ajaiz. الفائز من مات على عقيدة العجائز أو من كان على عقيدة العجائز فمن كان على عقيدة العجائز فهو الفائز. Que lui-même disait, malgré qu'il s'était spécialisé dans ilm al-kalam, il disait qu'en réalité al-fa'iz, vous savez, al-fa'iz, c'est celui qui réussit, c'est celui qui sort, si vous voulez, victorieux, qui a réussi, qui l'a emporté. Il disait, Al-Faiz, celui qui a réussi, c'est celui qui est sur la aqida de l'ajaiz. Faman kana ala aqida til ajaiz, fahou al-faiz. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-ajaiz. Al-ajaiz, c'est al-awam. Ammat al-nas. C'est ceux qui sont sur, comme les savants l'expliquent, al-fitra. Al-fitra, ceux qui sont sur la nature innée. C'est la masse des gens. Ils ont même expliqué, par exemple, Al-Jariya. Al-Jariya, la masse des gens. Ils ne sont pas allés dans ces horizons. Ils n'ont pas compris le Coran et la Sunna en s'ancrant dans une science, dans la philosophie, dans la dialectique, dans la science de la logique individuelle ou de la science de l'art de la rhétorique ou autre. Ils n'ont pas sombré dans les gens de la masse, n'ont pas sombré dans ces philosophies qui sont apparus plus tard dans le monde musulman. Ils sont restés sur la nature innée. C'est ça qu'ils disent à l'ajaïs. C'est les gens de la masse qui sont restés simples, compris les enseignements, normalement, comme la servante, lorsque la servante d'accompagnement, elle était rapportée au prophète, le prophète lui a dit, Où est Allah? Aïn Allah? Elle a dit Allah fi sama. Elle dit Waman ana? Qalat anta rasulullah. Elle lui a dit, tu es le messager d'Allah. Alors le prophète Ansam a dit au compagnon, libère-la car c'est une croyante. Tout simplement. Et pour cela, regardez ce témoignage. Il disait, le vainqueur, celui qui va connaître le succès, hein, c'est celui qui va mourir sur les croyances de Al-Ajaz. Mais ceux qui se sont donné cette charge, d'aller dans des horizons, de voyager dans des horizons, d'essayer de comprendre les textes du Coran et de la Sunna en philosophant ou avec ce qu'ils ont hérité plus tard de cette philosophie, de cette théologie spéculative, et ben beaucoup à la fin, et ben ont regretté. Et même les savants disaient que ceux qui se sont ancrés dans cette science, lors de leur mort, ce sont les gens qu'on trouve que la majorité sont morts avec des doutes. Beaucoup à la fin meurent avec des doutes. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ces choses-là. Pourquoi ? Parce que beaucoup, justement, qui ont sombré dans ça, ensuite à la fin, certains savants les décrivent comme étant des gens qui sont morts sur beaucoup de doutes. Et vous avez le témoignage de beaucoup, hein. De beaucoup, c'est pour ça que les pieux prédécesseurs blâmaient cette science-là. Comme disait le commentateur de l'imam, le commentateur de la Aqida Tahawiyya, il disait "Anna salaf karihu 'ilm al-kalam wa dhammu", que les salafs détestaient cette science-là et la blâmaient et la réprimandaient, cette science-là, car elle détournait beaucoup de gens de la saine compréhension et pure compréhension du livre d'Allah et de son messager. Même certains l'ont appelé les gens qui se sont ancrés dans cette science-là, ils les ont appelés les gens de la scolastique. Les gens de la scolastique, en référence à un mouvement qui est apparu entre le 11e siècle et le 10e siècle. Et le 17e siècle plutôt. Un mouvement qui est apparu entre le 11e siècle et le 17e siècle, justement. C'est un mouvement justement, qui est apparu dans les universités chrétiennes. C'est un mouvement hein, à l'époque qui est apparu dans les universités chrétiennes, justement, qui mettait en avant, qui voulait concilier aussi bien la foi et la raison. Qui voulait concilier aussi bien entre la foi et la raison. Et de ce fait, est apparue, justement, cette pensée et cette croyance de la raison prévaut sur la révélation, sur les textes révélés. Ensuite, cela, eh ben, a été mis en avant lorsque ça a été ensuite traduit et lorsque beaucoup de musulmans eh ben, ont entendu ces enseignements-là, beaucoup de musulmans ont été influencés par cela. Ensuite, certains musulmans eh ben, ont pris cette philosophie-là et ensuite eh ben, ont essayé de comprendre les enseignements religieux selon cette philosophie-là. Et de là, il y a cette appellation, pour ça certains les traduisent Ilm al-Kalam par exemple, ou les spécialistes mutakallimoun les traduisent par les gens de la scolastique. Taïb. Maintenant on va commencer. Voilà, on a pris certains passages de l'explication de Cheikh Fawzan concernant la présentation. Maintenant, on va commencer, Inch'Allah, à essayer de comprendre ici cette muqaddima. L'auteur va commencer donc son livre, donc ce qu'il a écrit. Donc c'est pour ça que c'était pertinent de d'abord lire quand même certains points et de lire sa présentation. Quelle était sa méthodologie dans l'écrit, qu'est-ce qu'il allait mentionner, et quel était le but et l'objectif. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, on va essayer de maintenant d'étudier le cœur du texte. Le cœur du texte. Taïb. Faqala l'imam, chapitre, babu, man tantiqu bihi l'alsina, wa ta'taqiduhu l'af'ida, min wajibi umur diyanat. Donc, le chapitre concernant ce que vont prononcer les langues, leurs croyances ou plutôt la croyance des cœurs, min wajibi umur diyanat. فقال الإمام ابن زيد وابن أبي زيد القيرواني قال ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان وأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له. Donc il nous dit, on commence, et dit, et fait partie de cela, al-iman bil qalb, la croyance du cœur, ou an-nutqu bil lisan, la prononciation de la langue, wa anna Allah ilahun wahid, la ilaha ghayru, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et unique adoré, il n'y a point d'adoré en dehors de lui. Traduction relative. Wala shabiha lah, wala nadhira lah, wala walada lah, wala walida lah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui lui ressemble, personne qui lui est semblable, et Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas enfanté, et Allah jalla wa ala, la walida lah. Il n'a point aussi de parents. Et Shir ici dans son explication maintenant, قال الشيخ الفوزان حفظه الله لأنه لابد من النطق بالحق مع اعتقاده بالقلب. يقول, regardez, premier point, ce que vont prononcer les langues avec la croyance du cœur. Pourquoi? لأنه لابد من النطق بالحق مع اعتقاده بالقلب. Parce que lorsqu'on a une conviction dans le cœur, on doit prononcer et mettre en évidence cette conviction. Pour cela, l'auteur a dit, ce dont vont professer les langues et la croyance des cœurs. Le premier chapitre, il dit, c'est le chapitre de la prononciation, ce que va professer la langue et la croyance du cœur. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dans le cœur, eh ben, le croyant doit le professer. Et on comprend bien donc, le fait de prononcer et de dire avec la langue une chose, cela ne suffit pas. Il faut avoir avec cela la conviction. Deux choses qui sont nécessaires. Donc lorsqu'on dit une chose, on doit avoir la conviction du cœur. Pour cela, l'auteur, regardez, hein, c'est très pertinent, il mentionne bien ce dont les langues prononcent et professent avec la conviction des cœurs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة. Taïb. Donc on voit bien que dans ce premier chapitre, donc l'auteur mentionne ce que doivent prononcer les langues et les convictions du cœur. Et le commentateur, hein, le shir, nous explique pourquoi. Parce que ce qu'on va prononcer avec la langue, on devra avoir la conviction du cœur avec cela. Et que la yekfili atiqad bidoudi nutq bella buddha min al amrain. Et comme ça ne suffit pas d'avoir la parole sans la conviction, aussi, de ce fait, ça ne suffit pas d'avoir la conviction sans qu'il y ait la parole avec. Pour cela, il y a l'inverse aussi. Et lorsque vous observez ce qu'a mentionné d'abord l'auteur, Ibn Abi Zayd, regardez lorsqu'il dit ensuite « Anna allaha ilahun wahid, la ilaha ghayruh, wala shabiha la, wala nazira la, wala walada la, wala walida la, wala sahibata la, wala sharika la. » Là, regardez, observez, Ibn Abi Zayd, il a affirmé une chose. Et il a nié combien de choses ? Il a affirmé une chose et il a nié ici, il y a la négation de 7 choses au sujet d'Allah. Il a affirmé une chose et ensuite, il va faire la négation de certaines choses. Premièrement, regardez, il dit « Anna Allah ilahun wahid » Allah subhanahu wa ta'ala est l'adoré et le Seigneur unique. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va dire Wala ilaha ghayru. Il n'y a nul adoré véritable si ce n'est lui. Vous voyez, c'est la négation qu'il y ait des idoles ou des adorés en dehors de lui. Première négation. Wala shabiha la. Wala nadhira lahu. Et Allah n'a pas de semblable et personne ne lui ressemble. Donc on a Wala shabiha la. Deuxième négation. Wala nadhira la. Il nie une troisième chose. Wala walada la. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quatrièmement, n'a pas d'enfant. Hein. Allah n'a pas de descendance et ni cela pour Allah. Comme Allah, wala walida la, n'a pas d'ascendant. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'ascendant. Ensuite il dit, wala sahibata la. Et il nie le fait qu'Allah est une compagne. Allah n'a pas de compagne et d'épouse. Comme à la fin il va nier, wala sharika lahu. Vous avez vu ? Il a d'abord affirmé, l'auteur Ibn Abi Zayd, d'abord affirmé que Allah Jalla wa Ala huwa al-ilah al-wahid. Ensuite, il faut revenir sur l'explication du terme al-ilah. Al-ilah huwa al-ma'luh. Al-ilah huwa al-ma'luh. Bima'na al-ma'bud. Bima'na al-ma'bud. Alladhi 'ubida bihaq. Fahuwa Allah Jalla wa Ala. Wa lihada. Pour cela, lorsqu'on dit Al-Ilah, c'est important de comprendre Al-Ilah, pour bien qu'on puisse comprendre le témoignage. Lorsqu'on dit La ilaha illallah. Lorsqu'on dit La ilaha illallah, il y a ce qu'on appelle Al-Nafi, il y a Al-Ithbat. Il y a une négation, il y a une affirmation. On nie Al-Uluhiyya. L'Irayilillahi Jalla wa Ala. ونثبت الألوهية لله جل وعلا سبحانه وتعالى ننفي الألوهية لغير الله ونثبت الألوهية لله جل وعلا لا إله نفي لا إله ليس هناك إله إلا حرف استثناء إلا الله جل وعلا إذن ما معنى الإله هو المألوه المعبود إذا عرفنا هذا ما معنى لا إله لا معبود لا معبود طيب لكن هناك من عبد لغير الله هناك من عبد من الأنبياء ومن الصالحين ومثلا من الرسل ومن الأشجار والأحجار قد يعبد شجر أو حجر أو ملك أو رسول أو نبي فكل ما عبد من دون الله فهذه العبادة باطلة فالله سبحانه وتعالى إذن هو المعبود بحق ولهذا نقول معنى لا إله إلا الله معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. والمعبود يتضمن أنه هو الرب. والرب يستلزم أنه هو الإله. فلذلك الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. الربوبية، فالذي ينطق ويقول ويشهد بأن لا إله إلا الله لابد أن يعلم ويعرف المعنى، معنى لا معبود بحق إلا الله. ونقول بحق لأن هناك قد عبد غير الله أو غير الله، لكن هذه العبادة كما قلنا هي باطلة، هي باطلة. Donc on disait l'importance ici de la kalimata la ilaha illallah, de la comprendre. El ilah, c'est celui qui est adoré. Mais il y a d'autres qu'Allah qui ont été adorés. Et cette adoration d'autres qu'Allah, elle est fausse. Comme par exemple, il y a des prophètes qui ont été adorés, il y a des vertueux, des saints qui ont été adorés. Il y a même des endroits, des arbres ou des monuments qui sont adorés. Il y a des sorciers parfois qui sont adorés, des djinns qui sont adorés. Mais cette adoration, elle est vaine. Et cette adoration, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas véritable. La seule adoration véritable, c'est l'adoration du Seigneur, c'est l'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala, le Créateur des hommes. C'est pour cela qu'on dit que la ilaha, il n'y a nul adoré véritable, si ce n'est Allah. Hada ma'na la ilaha illallah. Et lorsqu'on dit al-ilah, c'est l'adoré véritable, c'est-à-dire ça sous-entend qu'il est le Seigneur des mondes. Puisque celui qui est adoré, il est adoré parce qu'il est le Seigneur des mondes. Celui qui crée, qui a créé toutes choses. Celui qui, alladhi yuhyi wa yumit, qui donne la vie et la mort. Alladhi yab'ath, celui qui va ressusciter les hommes. Hadihi min khasais ar-rububiyya. Ça, ça fait partie des particularités de la seigneurie du Seigneur. Donc ça, ça mène le croyant à adorer ce Seigneur. Ce Seigneur. Donc, al-uluhiyya sous-entend ar-rububiyya, wa ar-rububiyya testalzim. Elle implique, elle rend obligatoire al-uluhiyya, l'adoration. Wadih al-kalam, vous comprenez ? Donc, ma marna la ilaha illallah, la ma'bouda bi haqqin illallah. Wa ghayrullah in ubida fa bi batil. Akada. La ma'bouda bi haqqin illallah, wa ghayrullah in ubida fa bi batil. Fa Allahu jalla wa ala, nukmil al-kalam. Fa la ilaha ghayruhu. اولا لا شبيه له ثانيا يقول الشيخ ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ولا شريك له سبحانه وتعالى. Et la prochaine fois inchallah on expliquera ces termes là inchallah. والله اعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.